Donc je voudrais faire une première nuance. Je suis un peu intimidé parce que je vais parler un peu marginalement de la religion. Je suis aussi, j'ai travaillé un petit peu sur l'intersectionnalité, mais c'est pas un thème sur lequel j'interviens beaucoup spontanément. Et c'est vrai qu'accepter une invitation, c'est toujours prendre la place de quelqu'un d'autre qui aurait pu parler d'intersectionnalité. Et sur les questions que soulèvent justement les théories critiques de l'intersectionnalité, ce ne sont pas des décisions à la légère. Et donc j'espère, je ne vais pas m'excuser d'être là, mais j'espère pouvoir être jugé sur le contenu de ce que je vais dire et l'intérêt, mais je suis conscient des politiques en jeu dans ma présence ici. Alors, cette intervention, elle va soulever une série de questions sur l'intersectionnalité, à la fois sur le plan de son pouvoir descriptif ou explicatif, et puis sur sa portée normative. Et pour faire ça, je vais m'appuyer sur un article de retour critique sur cette notion que l'on a publié avec Alex Jaunet dans Raison politique en 2015, et qui essaye de... qui est un retour critique sur un premier article qu'on avait fait en 2012 et qui est un petit peu plus critique, donc un petit peu moins enthousiaste, même si l'article de 2012 essayait déjà de regarder les contradictions de ce concept. Et donc c'est vrai que tout à l'heure quand tu donnais les deux jugements un peu extrêmes sur l'intersectionnalité, c'est-à-dire la contribution majeure etc., ou un concept flou à la mode, c'est je ne sais pas où me placer et sans doute je suis ce serait trop facile de dire que je suis au milieu, parce que sans doute je suis un petit peu entre les deux. Enfin, je pense que les deux sont vrais. Et la difficulté, effectivement, c'est que l'intersectionnalité, c'est un des termes qui sont les moins bien, c'est plus débattu, et les plus certainement incertains épistémologiquement des études sur le genre. Et comme je le dis souvent, c'est évidemment le deuxième terme le plus incertain des études sur le genre, après le concept de genre lui-même, qui est également très très mal défini. Dans une autre présentation, j'ai montré qu'il y avait au moins 7 ou 8 définitions différentes du mot genre dans les sciences sociales. L'idée principale de ma présentation aujourd'hui, c'est de défendre l'idée que les théories de l'intersectionnalité amènent non seulement à rejeter les métaphores arithmétiques, celles de l'addition et de la soustraction des oppressions, mais qu'elle peut aussi amener à rejeter des métaphores géométriques dont l'intersection fait partie. Et j'ai essayé d'expliquer les problèmes de cette métaphore intersectionnelle. Et puisque l'intersectionnalité est souvent réduite à cette idée d'intersection, de manière un peu tautologique, je vais voir dans quelle mesure elle peut en fait faire partie du problème qu'elle décrit et dans quelle mesure elle peut ne pas en faire partie. La critique que je vais faire, il y a peut-être un... Est-ce que c'est possible de bouger le projecteur, je me rends compte. J'en doute. C'est quand même pas la première fois. C'est pas ça qui va pas. C'est le cadrage sur le... C'est digital. Bon, eh ben, je ne saurais pas... Il faudrait peut-être le réduire si tu le réduis. Ben non, parce que c'est une présence... Ou alors je fais comme ça. Non, je vais faire comme ça. C'est bien, c'est bon. Voilà. C'est radical, mais voilà. C'est même beaucoup mieux. C'est même beaucoup mieux. Ouais. Voilà, on est d'accord. Et donc, alors, évidemment, aujourd'hui, la notion d'intersectionnalité fait l'objet de nombreuses critiques. Souvent, les critiques sont en termes de c'est une notion radicale, maintenant elle a été récupérée dans une sorte d'appareil de recherche plus ou moins bureaucratique et néolibéral, est devenue pas radicale. C'est un concept conçu par des femmes racisées pour penser leur position et il est comment dire aujourd'hui blanchi dans cette notamment par sa récupération académique d'une manière qui en fait perdre le potentiel à la fois politique et aussi comment dire d'expression de subjectivation politique fondée sur une oppression raciale. Alors, je ne dis pas du tout la pertinence de ces critiques, mais la critique, et parfois celle que je vais faire, pourra rejoindre cette première critique, mais c'est vraiment une critique différente que je veux faire. C'est une critique qui va plutôt se positionner sur la nécessité de distinguer entre les catégories de l'analyse et les catégories de la pratique, d'abord, et puis essayer de distinguer ce qui est du domaine de l'expérience et des rapports sociaux, d'un côté, et de l'autre, la question du cadrage, la question de la formulation symbolique des intérêts et des groupes. Alors, je vais faire un retour historique rapide, mais qui ne va pas être insultant pour vous, parce que je ne vais surtout pas reprendre l'histoire du concept d'intersectionnalité, mais je voudrais juste dire qu'il a été, donc c'est un concept critique qui a été développé dans le cadre de mouvements d'émancipation et d'espaces de subjectivation, et qui débat, enfin, comment dire, et cette genèse politique de l'intersectionnalité, il ne s'agit certainement pas du tout de l'euphémiser, mais au contraire de prendre cette histoire au sérieux. Mais la prendre au sérieux, ça veut aussi dire cerner quel type de problème politique urgent le concept a servi à nommer et à résoudre, enfin, en tout cas à nommer et à au moins à nommer. Mais le fait de le situer dans ces problèmes pratiques, donc pour en retrouver y compris la radicalité, ça peut aussi signifier en voir les limites pour son usage dans d'autres espaces avec d'autres types de questionnements qui ne sont pas, enfin qui correspondent à d'autres questionnements. Non pas que les questionnements académiques ne peuvent pas être critiques de cette manière, mais il ne faut pas même lorsqu'ils sont critiques, c'est pas pareil de poser une question dans un comité central ou dans une assemblée générale de mouvements ou dans un groupe de recherche, et croire que c'est le même espace, c'est une forme de négation, c'est une forme de biais scolastique problématique. Alors, ces arènes qu'ont été les mouvements sociaux, qu'ont été la jurisprudence anti-discrimination, qui est un certain discours théorique, normatif, philosophique, que parfois on nomme theory dans le monde académique anglo-américain, eh bien ces arènes ont en commun le fait qu'elles se sont posées la question de la construction d'un sujet. Un sujet de lutte, un sujet d'assistance pour la question du travail social, un sujet de l'état social en général, un sujet de non-discrimination pour la jurisprudence anti-discrimination, ou un sujet de discours théorique normatif pour cet espace partiellement intraduisible qu'on appelle theory. Dans ces espaces, l'intersectionnalité est venue critiquer la monopolisation d'un sujet d'oppression par les membres dominants du groupe considéré, qui était dominant sous tous les autres rapports, sauf le groupe qui faisait l'objet de la représentation, avec le cas classique, puisque ce double mouvement. Oui, il va falloir que je mette mon chargeur. Donc, en gros, excusez-moi. Les mouvements aux États-Unis, le mouvement du Black Power et la question de la marginalisation des femmes à l'intérieur du Black Power, et puis évidemment la question de la marginalisation des femmes noires dans le mouvement féministe, qui ont donné les premières grandes théorisations de l'intersectionnalité. Cette marginalisation, qui est nommée, à la fois nommée et critiquée par les théories de l'intersectionnalité, elle n'est pas juste, disons, le produit d'une sorte de produit mécanique, de moindres ressources. Hein, on pourrait dire, forcément, c'est les moins opprimés qui, dans les mouvements d'opprimés, prennent les postes, enfin, comme on le connaît dans plein d'autres mouvements, genre le syndicalisme, etc., et tout un ensemble d'autres mouvements sociaux. Mais là, il y a vraiment une question de domination, de marginalisation symbolique, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on est constitué à l'intérieur de ce sujet comme un sujet marginal, comme un sujet secondaire, comme un sujet plus compliqué que les autres. Hein. C'est-à-dire, en gros, il y a les femmes d'un côté, et puis les femmes plus quelque chose, comme si c'était les femmes plus quelque chose étaient à l'intersection avec un autre groupe, alors que comme si les femmes blanches, elles, n'étaient pas à l'intersection avec un autre groupe. Donc vous avez cette marginalisation qui n'est pas seulement une sorte de produit de propriété, de capital, de capitaux et de ressources qui permettent de ressources culturelles, etc., qui permettent de monopoliser des postes de direction à l'intérieur de mouvements. Mais vous avez donc cette domination proprement symbolique, disons même, on va dire, un privilège épistémologique des dominants à l'intérieur de ces groupes qui rend les autres non représentatifs. Hein. Quelle femme on va mettre pour représenter tel mouvement ou dans tel texte de propagande, etc. Ah non, pas celle-là, parce que quand même, c'est pas une femme en général, c'est une femme avec un foulard, c'est une femme avec. Qu'elle est lesbienne, etc. Donc, c'est pas une femme tout court. La femme tout court, c'est une femme donc, qui a les propriétés invisibilisées comme dominantes et qui donc sont considérées comme des non-propriétés. Et donc, derrière cette marginalisation symbolique ou. En américain, on dit épistémologique, mais c'est un terme qui n'existe pas. Les Américains ne font pas de différence entre épistémique et épistémologique. Et donc, ils disent épistémologique, mais ils veulent dire évidemment épistémique. Ils ne parlent pas de. C'est pas de la sociologie des sciences. Cette marginalisation, elle a aussi des conséquences en termes de dilemme de loyauté, c'est avec qui s'allier, est-ce qu'on doit rejoindre tel mouvement ou tel autre. Bon, là, on voit bien la marginalisation, parce que donc, ça suppose qu'il y a déjà des mouvements qui ont déjà été monopolisés par des gens, et pour lesquels on peut se demander, qui forcent à vivre comme un dilemme, des choses qui, pour certains, pour d'autres, ne sont pas des dilemmes. Hein. Les femmes blanches n'ont pas à se demander si elles doivent rejoindre le mouvement des femmes ou un autre mouvement, éventuellement un mouvement raciste par exemple, enfin en tout cas pour la domination blanche. Elles n'ont pas à se demander explicitement, même si ça peut arriver dans certains cas, puisque évidemment le mouvement des femmes, dans cette perspective, hein, là je le fais de manière à la serpe évidemment, mais je veux dire, dans la critique intersectionnelle, le mouvement des femmes, à partir du moment où le mouvement nous appartient déjà, la question ne se pose pas comme un dilemme. C'est juste pour dire que ce dilemme symbolique, il existe aussi au niveau concret des alliances politiques. Et des alliances politiques, ça veut aussi dire quel tract signer, est-ce qu'on se joint à telle pétition, est-ce qu'on va à telle marche, etc. Donc c'est des questions très concrètes, mais qui trouvent leur... il y a une analogie ou une homologie entre ces dilemmes au niveau interne, au niveau symbolique et puis au niveau des coalitions. Là, je commence à. Donc je dis très peu sur les apports du concept d'intersectionnalité, puisque je considère quand même qu'une grande partie d'entre nous le connaissent largement, et je vais plutôt me focaliser sur les points de justement de questionnement et essayer de voir comment on peut les résoudre. Et donc la grande question une des questions qui traverse les théories de l'intersectionnalité, c'est de savoir d'essayer de comprendre est-ce qu'on est tous est toute intersectionnelle ou pas. Et donc je pose la question au début de ce slide, est-ce que les hommes blancs, riches, hétérosexuels et bien portants, est-ce qu'ils peuvent être appréhendés par le paradigme de l'intersectionnalité? Alors évidemment, là, on va voir l'insatisfaction qu'on avait avec Alex Jonet, parce qu'on a défendu un petit peu ça au début de... dans notre article de 2012, qu'est-ce que ça veut dire d'étudier les dominants sous l'angle de l'intersectionnalité, et pas seulement les dominants qui ont des propriétés discordantes, mais aussi celles qui ont des propriétés concordantes. Mais le truc, c'est à la fois vrai et faux. Je vais essayer de défendre l'idée qu'on est tout intersectionnel, et en même temps, non, on ne l'est pas. Pour dire ça, d'une certaine manière, je vais mobiliser un cadre qui est finalement assez bourdieusien, puisque je vais distinguer entre différents niveaux d'objectivité. Je vais montrer aussi que bon, c'est une question qui a été posée depuis longtemps. Alors, la question de savoir, est-ce qu'on peut définir comme des groupes intersectionnels des groupes qui sont situés à l'intersection de plusieurs rapports de pouvoir? Ce que font beaucoup d'articles, de travaux sur l'intersectionnalité qui sont contents d'une telle description. Alors évidemment, ce qu'on dit depuis longtemps, West et Fenstermacher, c'est que si on prend juste le fait d'avoir son expérience qui est à l'intersection de plusieurs rapports de pouvoir, eh bien évidemment, tous les groupes, tous les individus et tous les groupes sont intersectionnels, puisque tout groupe, par définition, il faut être deux pour un... Un rapport de pouvoir, c'est un rapport de pouvoir, donc ça veut dire que quand on est dominant dans le rapport de pouvoir, on est bien à l'intersection de ce rapport de pouvoir, et donc les hommes blancs riches hétérosexuels sont à l'intersection de la domination de classe, de race et d'orientation sexuelle. Donc, évidemment, si on ne définit que sur ce... que l'intersectionnalité de cette manière, pour les individus, c'est embêtant puisque tout le monde est intersectionnel. Alors ça peut être une intuition intéressante, mais ça manque quelque chose de la critique originelle qui est portée par les théories de l'intersectionnalité. Alors, vous avez notamment, y compris chez Crenshaw, enfin, cette idée que vous avez une distinction entre une intersectionnalité politique d'un côté et une intersectionnalité structurelle. Alors, là, je vais essayer d'avancer l'idée que c'est un peu difficile de penser l'intersectionnalité structurelle sur un mode objectiviste, parce que d'abord, si on parle des individus, donc elle englobe tout le monde, et puis si on parle des rapports sociaux, ça devient aussi embêtant parce que l'idée d'intersection entre les rapports sociaux suppose évidemment d'abord d'avoir abstrait des rapports sociaux séparés, observer l'intersection. Et ça, c'est la grande critique de Daniel Kerouac. Hein, je veux dire que quand elle parle de consubstantialité, c'est pour dire la consubstantialité, ça veut dire qu'on a des rapports sociaux qui n'existent pas, qu'on ne peut pas définir séparément les uns des autres, et pour après les faire s'intersecter dans une analyse, qu'on ne peut pas définir le racisme indépendamment du sexisme, si on veut définir l'ensemble, le racisme dans sa totalité, eh bien, il inclut, on ne peut pas, vu qu'on soit d'un côté d'ailleurs ou de l'autre, si on veut définir le genre, enfin disons l'oppression sexiste, on ne peut pas la définir sans mettre en jeu la question de l'oppression raciale, dedans, on aura d'abord des femmes blanches qui sont concernées par l'oppression raciale et des femmes non blanches qui sont aussi concernées par l'oppression raciale. Donc on ne pourra pas définir les modalités, les modulations du sexisme qui définissent le sexisme en général. Le racisme en est consubstantiel. Hein, donc, c'est cette idée qu'on peut définir un rapport social, on ne peut pas définir un rapport social indépendamment des autres. Donc une fois qu'on a parlé de consubstantialité et qu'on a montré cette consubstantialité au niveau abstrait des rapports sociaux, l'idée d'une intersection entre les rapports sociaux paraît une erreur, puisqu'elle suppose d'avoir préalablement abstrait des rapports sociaux sur la base d'expériences qui ne sont pas les expériences totales, on va le voir, qui sont justement fondées sur les expériences sur le privilège épistémologique d'un petit groupe à l'intérieur de ces, notamment des victimes de ces rapports sociaux. Quand on essaie de définir ce que c'est qu'une intersectionnalité objective, c'est-à-dire on va indépendamment des systèmes symboliques, des luttes politiques, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a un sens de dire qu'il y a des groupes qui seraient plus à l'intersection de rapports sociaux que d'autres? Et donc là, j'essaie de défendre que c'est un peu compliqué de parler d'intersectionnalité objective. Alors, toujours un peu en dialogue avec West et Fenstermacher dans leur article Doing Difference, il y a une autre façon de le penser, c'est de revenir en disant bah oui, effectivement, on ne peut pas penser cette intersection si on pense en termes de rapport. C'est d'ailleurs pour ça que une partie des féministes matérialistes sont très allergiques à la notion d'intersectionnalité, parce que ça ne permet pas de penser les rapports sociaux comme rapports. Je pense que c'est une critique qu'on peut critiquer, mais je pense que ça vient en partie de là. Au lieu de dire ça, on peut dire bon, on va les définir comme les groupes subissant des formes combinées de domination. Mais l'idée de formes combinées de domination, c'est une idée qui est largement pré-intersectionnelle, puisque précisément l'intersectionnalité vise à aller au-delà du modèle arithmétique. Donc parler de formes combinées et d'imaginer qu'on puisse les ajouter, qu'elles sont distinctes, et puis qu'on puisse les ajouter euh, en les pensant comme indépendants les unes des autres, ça ne va pas avec tous ces effets, ces fameux effets non linéaires que ce soit en termes de qui ont été montrés par la sociologie de l'éducation tout un ensemble de propriétés, la combinaison de propriétés négatives ou positives et négatives devenait était transformée en désavantages relatifs. Par exemple, j'anticipe déjà, mais lorsqu'on est en décalage par rapport à un stéréotype, par exemple, là on peut prendre l'exemple du stéréotype du sans-papier, quand on est en décalage parce que, par exemple, je dis en décalage entre guillemets, parce qu'on est une femme, par rapport au stéréotype du sans-papier, que le sans-papier est un homme, et bien, quand on est en décalage, et bien, on a moins de chances de se faire contrôler dans la rue, par exemple. Il y a tout. Je ne vais peut-être pas donner le meilleur exemple, mais je veux dire, le fait même que l'intersectionnalité s'intéresse à ces objets, à ces phénomènes qui sont par ailleurs largement connus par les statisticiens qui travaillent sur les effets, les interactions entre variables, mais le fait même que on pense des effets complexes de ces propriétés conçues abstraitement comme positives ou négatives fait qu'on ne peut pas définir un groupe intersectionnel comme un groupe qui combine plusieurs handicaps. Ça n'a pas de... c'est largement une construction pré-intersectionnelle. Alors, et donc dans le papier de 2015, on reprend un peu ça et on dit c'est à cause de ces problèmes logiques qu'on ne peut pas penser l'intersectionnalité sans mobiliser la question des cadres symboliques et des dilemmes stratégiques, c'est-à-dire repenser la question politique derrière la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire que on ne peut pas penser l'intersectionnalité uniquement comme étant comme étant situé au niveau des rapports sociaux. Il faut penser la question de leur formulation symbolique et politique. Je vais essayer de défendre cette idée. Ça, c'était à l'époque où je croyais encore avoir une demi-heure avant le séminaire de 15 heures pour pouvoir terminer ce slide. Mais c'est un vrai problème. Comment donc ne pas définir l'intersectionnalité de manière tautologique en disant que c'est l'étude de l'intersection entre les rapports sociaux ou l'étude de personnes situées à l'intersection de rapports sociaux. Parce que si c'est ça, donc d'abord c'est tout le monde et en plus on ne voit pas pourquoi il y a IT, on appellerait ça donc l'intersection, pourquoi c'est substantivé au puissance 2. Le risque évidemment c'est... l'ambivalence fondamentale des théories de l'intersectionnalité, c'est qu'elles viennent à la fois pointer l'existence de positions positions invisibilisées par les systèmes de subjectivation dominants, mais aussi potentiellement critiquer les systèmes de marginalisation qui rendent ces positions plus complexes que les autres. Et donc la question de la complexité dans les théories de l'intersectionnalité, elle est à la fois une manière de visibiliser des positions marginalisées, mais en même temps elle porte toujours le risque de redoubler la construction asymétrique de la complexité en posant d'un côté des catégories qui seraient des dominations simples et de l'autre côté des dominations complexes. Derrière cette construction asymétrique de la complexité, un renforcement de l'invisibilité des propriétés dominantes, par exemple l'hétérosexualité ou la blancheur. Leur privilège épistémologique, le privilège épistémologique de la non complexité. Alors, moi, juste une petite note, je sais que beaucoup de mes collègues maintenant disent blanchité, en France en tout cas, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres pays francophones. moi, je ne m'a toujours pas convaincu de la nécessité de dire blanchité et pas blancheur, parce que, alors, en anglais, on dit whiteness, hein, on ne dit pas whitehood. Il n'y a pas un nouveau mot qui a été défini. Alors, c'est pas parce que les Américains disent un truc que c'est vrai, que c'est bien. Hein. Mais du coup, ça amène à réfléchir pourquoi les Français ont été obligés de, se sont sentis obligés de fonder un nouveau mot. Et l'idée que c'est pour pointer le fait que la couleur, que la race, ce n'est pas la couleur, ben, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué d'avoir un terme pour dire que la race, ce n'est pas la couleur, parce que c'est à la fois vrai. Mais en même temps, c'est pas vrai. C'est bien l'ambiguïté du fait que whiteness, en anglais, c'est utilisé pour dire la race et la couleur. Ça reflète le fait que dans le monde social, le fait qu'il y ait le même mot pour penser la race et la couleur, ça reflète l'ambivalence de ce que c'est que la domination blanche. Elle ne se présente pas comme distincte de la couleur. Alors, de produire une distinction conceptuelle pour éclaircir les choses, rendre les choses plus claires, c'est embêtant, parce que pour reciter Bourdieu qui voulait faire une théorie du flou, je pense qu'on doit faire une théorie du flou, et le fait de vouloir éclaircir conceptuellement quelque chose pour saisir quelque chose qui n'est pas, enfin qui est flou dans la réalité, bien sûr il faut des concepts clairs, mais c'est des concepts clairs pour cerner le flou. Or là on a un concept clair qui fait comme si la réalité était distinguée entre la couleur et la race, ce qu'elle n'est en tout cas ce qu'elle n'est pas dans ce cadre de la domination blanche. Donc, personnellement, je continue à dire blancheur. J'en fais pas un plat, hein, évidemment, parce qu'il y a aussi des arguments pour dire blanchité à partir du moment où tout le monde s'unit sur un terme. C'est un signal qui est important. Mais je trouve que le fait de vouloir distinguer blanchité et blancheur, pour moi, ça pose les mêmes problèmes que les gens qui mettent des guillemets à race. Auquel je suis contre, mettre des guillemets à race, mais qui mettent pas à sexe, qui mettent pas à plein d'autres mots, qui décident d'en mettre à race. Donc voilà pourquoi je dis blanchir, c'est pas par naïveté, c'est par. Là c'est peut-être par naïveté, mais c'était par engagement. Oui, donc cette question, donc derrière, il faut bien faire attention à ce que derrière l'intersectionnalité, ce ne se cache pas tout simplement la blancheur, hein, ou n'importe quel autre privilège épistémologique qui va être nié comme étant à l'intersection, ce qui va être nié comme propriété, et donc c'est l'idée qu'il y a des qui va reproduire l'idée que bon ben bah, il y a les femmes tout court qui sont les femmes blanches ou les femmes hétérosexuelles, et puis ou les femmes qui ne portent pas le foulard, et puis de l'autre côté, il y a les femmes particulières, hein, celles qui ne sont pas du côté de l'universel, qui ont un problème particulier, qui souvent est moins politique que le problème des femmes, et c'est un problème personnel, hein, mais qui est important, mais qui est quand même un truc qu'il faut rajouter, il faut intersecter avec la catégorie femme, et je vais donner des exemples. Je ne suis pas juste femme, mais en plus, elle est noire. Bon, c'est. Et donc de faire de parler comme ça, ce qui est un potentiel justement non critique de la théorie de l'intersectionnalité, c'est de reproduire, c'est finalement de faire partie du problème qui était originellement destiné à critiquer et déconstruire l'intersectionnalité. On a eu un peu ce problème avec notre équipe quand on travaillait sur les grèves de sans-papiers, notamment en dialogue avec les sociologues britanniques qui se demandaient si qui sont assez proches des syndicats britanniques et qui se demandaient qui distinguaient entre des manières d'organiser les travailleurs sans papier, enfin le travailleur migrant, pardon, pour la Grande-Bretagne, soit en tant que travailleur, soit en tant que travailleur migrant. Et ils considéraient que travailleur migrant, c'était le cadre intersectionnel, quoi. Donc c'est la catégorie intersectionnelle, est-ce qu'il fallait ou pas. Et donc quand on dit travailleur migrant, ça veut dire que la catégorie de travailleurs tout court, c'est pas des travailleurs migrants. Hein. C'est-à-dire que ça maintient le fait de distinguer, d'activer cette distinction. Alors, je vais plus nuancer. La figure du travailleur sans papier, ça peut contribuer à élargir la figure du travailleur, ou ça peut contribuer à réitérer. La dichotomie entre travailleurs et non pas mais peut-être sans papier, mais en tout cas travailleurs sans papier, c'est-à-dire maintenir que l'idée que le travailleur générique, celui qui n'a pas de race, celui qui n'a pas de sexe, c'est le travailleur blanc, non migrant, celui qui a des papiers, etc. Donc toutes ces propriétés qui ne deviennent plus des propriétés. Elles ne deviennent plus des identités. Hein, c'est plus des identités, ça c'est la classe. Hein, c'est des gens qui confondent, qui disent quand ils disent qu'ils... C'est soit la classe, soit la question de l'identité. Évidemment, l'identité, c'est toujours l'identité des autres. Quand c'est la classe, c'est, quand c'est l'identité des dominants, c'est la classe. Donc, il y a cette, et les Britanniques sont très dans ce paradigme-là. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit organiser autour de la question de la classe ou autour de la question des problèmes des migrants comme si, enfin, ou des travailleurs migrants. Comme si les problèmes des travailleurs migrants n'étaient pas des problèmes de classe. Et pour faire ça, il faut identifier la classe ou préoccupation des hommes blancs. Dans le mouvement syndical. Alors, dans les travaux qu'on avait fait, qu'on a fait avec, avec Nicolas Venin, Anne Bory, etc., on a essayé de montrer, Lucie Tourette, l'ambivalence, en fait, cette ambivalence de ces cadres, des cadres intersectionnels, c'est en fait posé dans le mouvement de la grève des sans-papiers lui-même, et à différents moments, la catégorie travailleurs sans papier a joué l'un ou l'autre rôle. Mais justement, c'est à l'intérieur du monde social que c'est résolu ou combattu les potentialités de ces cadres ou cadrages intersectionnels. Et donc, contre ces constructions asymétriques de la complexité, on peut lire le message de l'intersectionnalité comme étant l'idée qu'un rapport social ne s'incarne jamais de manière générique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a que des cas particuliers. Hein, ça n'a aucun sens de dire ça c'est un cas général, ça c'est le sexisme en général. On observe un cas, alors ça c'est un cas typique du sexisme. Il n'y a pas de cas typique du sexisme qui serait indépendant des autres rapports sociaux. Il y a un cas typique qui est inséré dans les autres, dans l'ensemble des rapports sociaux. L'idée que les femmes blanches subissent le sexisme et que les femmes noires subissent le sexisme et le racisme, c'est très problématique. Alors évidemment, on dit subit. Donc ça permet c'est grammaticalement, sémantiquement pas entièrement faux, mais le fait de dire ça, ça contribue fortement à invisibiliser la blancheur comme propriété dominante. Et surtout, encore une fois, ça maintient l'idée que certaines positions sont spécifiques et d'autres sont génériques. Il n'y a pas, donc pour l'intersectionnalité, d'oppression spécifique, puisqu'il n'y a pas d'oppression universelle. Alors, la conséquence possible de cette critique, c'est qu'il n'y a pas d'ennemi principal. Donc, potentiellement, c'est une critique d'un certain type de féminisme matérialiste, puisque je dis toujours, laisse ça comme ça, parce que je vais critiquer cette idée par ailleurs. J'essaie de sauver les ennemis principaux à la fin, peut-être pour ceux qui ont lu le papier. Disons que potentiellement, on a dans cette critique une critique de l'ennemi principal. Mais là, vraiment, c'est important, ça a été déjà dit par Crenshaw, ça a déjà été redit par Elsa Dorlin récemment, etc. Enfin, récemment, il y a une dizaine d'années. L'important ici, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une critique. Enfin, on mobilise parfois l'idée que l'intersectionnalité, c'est pour dire que le féminisme blanc est universaliste, est trop universaliste. Il n'est pas trop universaliste pour la critique intersectionnelle. Il n'est pas assez universaliste. Hein. C'est-à-dire qu'il prétend, parler au nom de toutes les femmes, alors qu'en fait, il a universalisé, hein, soit sur le plan de la représentation, soit même sur le plan de la théorisation, la situation, c'est un peu une ancienne, des femmes blanches de classe moyenne, et a cru parler des femmes. Donc le problème du féminisme blanc n'est pas du tout qu'il est trop universel, il n'est pas assez universel. Ah, bon, pareil, parfois quand on dit universaliste, ça ne veut pas dire universel, mais je pense que ça, l'ambiguïté est problématique. Donc c'est pas qu'il est trop c'est pas qu'il prend pas assez en compte les différences, c'est de certaine manière il prend trop en compte une différence qui est la, celle des blancs, et puis il la pense pas comme comme différence. Ou plus exactement, je vais dire un autre truc, je vais redire après sur la question de l'abstraction, c'est la, le problème n'est pas qu'il est il est trop abstrait, hein, c'est du féminisme abstrait, un peu le côté universalisme abstrait, hein. C'est qu'il n'est pas assez abstrait. Il n'est pas assez abstrait de la situation des blanches pour penser la situation des femmes. Donc vous voyez, la critique potentiellement... Il y a un universalisme concret derrière, derrière la critique intersectionnelle. Elle n'est pas du tout anti-universaliste. Mais cet universalisme est problématique. On le verra peut-être justement à la fin. Il me reste encore quoi, 20 minutes ? 10 minutes ? 5 minutes ? 7 minutes. Alors, je voudrais quand même... Donc, le problème, évidemment, de cette abstraction, c'est qu'elle crée de la confusion, puisqu'elle donne l'illusion, elle produit cette illusion intersectionnelle, cette illusion qu'il y a des... qu'il y a des groupes intersectionnels et des groupes qui ne le sont pas. Mais je voudrais quand même faire deux points sur l'abstraction, alors qui sont en partie dans le papier, mais pas toutes, pas tous. Bon, alors, le premier... Je vais être obligé de résumer. Je viens déjà en partie de le dire. Je viens déjà de parler... Alors oui, le fait même que le fait de penser que une femme racisée c'est une situation plus complexe qu'une femme blanche, c'est évidemment avoir abstrait la catégorie femme à partir du groupe des blancs, et cette abstraction crée l'illusion intersectionnelle. Mais il ne faut pas jeter. Donc il y a deux manières de ne pas jeter l'abstraction avec l'eau du bain, et la première, c'est... c'est Daniel Kerguat, c'est-à-dire que c'est pas parce que... il s'agit pas de dire qu'on peut pas abstraire des rapports sociaux. Bien sûr qu'on peut abstraire des rapports sociaux, mais c'est toute l'ambivalence de la notion de transsubstantialité, hein, c'est que... Enfin, l'ambivalence ou la complexité, c'est qu'il s'agit bien de dire que le racisme, c'est pas le sexisme. Ce sont deux choses différentes, on peut les abstraire. On peut les abstraire, mais on peut pas les définir. Mais pour les abstraire, il faut le faire à partir du cas de toutes les femmes, ou du cas de tous les racisés, de l'ensemble de la population par ailleurs, y compris les dominants. Il faut prendre tous les cas pour abstraire, pour vraiment abstraire un rapport social. Tous les cas potentiels, évidemment, on peut les abstraire. Donc, mais c'est l'idée qu'on peut pas créer un cas, autant on peut pas créer un cas, construire une théorie générale du genre ou de la race à partir de l'expérience de femmes blanches ou d'hommes racisés, autant ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas abstraire ce qu'on appellerait le racisme ou le sexisme, mais à partir de l'ensemble des cas, et pour le définir à partir de l'ensemble des cas, on peut définir que des rapports sociaux qui sont consubstantiels les uns aux autres. Alors, le problème de cette critique, c'est qu'effectivement, moi je trouve ça tout à fait convaincant, mais évidemment là, il se situe vraiment au niveau des rapports sociaux. C'est-à-dire que là, il s'agit de penser la question de la consubstantielle des rapports sociaux dans leur théorisation, etc. Et à bien des égards, on est produit comme êtres sociaux de cette manière, mais le problème de l'intersectionnalité, c'est là où on arrive à la question des cas symboliques, hein, c'est qu'on doit, d'une certaine manière, alors je ne sais pas si ça va être flou ou pas de le dire comme ça, mais on est produit de manière consubstantielle, mais on doit s'exprimer de manière intersectionnelle. C'est-à-dire que on est dans des mondes, on vit dans des mondes dans lesquels les rapports sociaux ont été abstraits, symboliquement, à partir de constructions non universelles, fondées sur les dominants à l'intérieur de différents groupes. C'est le produit à la fois d'un mécanisme à la fois académique, intellectuel, politique, à l'intérieur des mouvements sociaux, etc. Et donc, on ne peut pas faire abstraction de ces abstractions qui nous forcent à nous exprimer de manière intersectionnelle. Et donc c'est la deuxième manière de ne pas jeter l'abstraction avec l'eau du bain, hein, c'est de reconnaître, c'est là où c'est bourdieusien, hein, l'objectivité des structures subjectives, hein, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a, alors je reprends aussi un terme une expression de Ridgway, Kitchely-Katz, hein, qui elles ont dit, on a considéré le genre, la race et la classe comme des systèmes d'inégalité culturellement distincts, non parce qu'ils sont réellement séparés, mais parce que les gens les traitent généralement comme tels, et que ceci a des conséquences. Bien sûr que les rapports sociaux sont consubstantiels, mais l'espace de subjectivation symbolique, les positions de sujet existent dans un univers discursif et symbolique dans lequel il y a des gens qui sont plus intersectionnalisés que les autres. Il y a des gens qui sont plus égaux que d'autres, ou moins égaux que d'autres, vis-à-vis de l'intersectionnalité ou de la construction de la complexité. Parce que ça veut dire qu'il y a des positions de sujets qui vont s'en dire, et il y en a d'autres qui sont rendues problématiques, et qui peuvent être saisies par le vocable de l'intersectionnalité, qui est à la fois une manière de les saisir, mais aussi d'en déconstruire la position. Donc il faut, enfin je veux dire là, je dis que c'est pour dire, c'est durkheimien, hein, donc c'est l'intersection, c'est une illusion bien fondée, et il faut la considérer comme une chose, et elle a des conséquences, parce qu'elle a des conséquences qui ont des propriétés des choses. Donc on ne peut pas penser, et ça c'est un peu ce qu'on dit dans le papier de 2015, on ne peut pas penser l'intersectionnalité sans ces processus d'abstraction, c'est-à-dire sans le symbolique. Alors j'avais fini de dire en disant l'intersectionnalité est objective parce qu'elle est subjective, donc c'est, vous avez compris pourquoi. Voilà, enfin l'exemple typique, enfin, ça c'est le truc que je donne souvent en cours, voilà, pour comprendre ce que c'est, parce que j'ai un cours où j'ai juste les stéréotypes, enfin, donc là voilà, c'est Google Photos, donc... C'est quand on tape bébé dans Google Photos. Donc ça, c'est un bébé en général. Donc en général, évidemment, c'est pas... Il y a la catégorie, puis les autres n'y appartiennent pas. Je veux dire, si vous demandez à n'importe qui, même dans les années 70, si les femmes noires sont des femmes, bah oui, donc évidemment, on dirait oui. Mais quand même, c'est des cas particuliers. Hein. Donc là, vous avez le cas général du bébé. Et puis vous avez différents cas particuliers, bébé en dessin, bébé fille éventuellement, ou bébé noir, hein, c'est intéressant dans le troisième, vous voyez. Donc là c'est pour montrer qu'évidemment la question de la domination, 2 minutes, allez, je passe. Alors ce que je voudrais dire, en lien avec les questions, parce que je vais passer non plus, en lien avec la question religieuse, puisqu'il me reste encore 10 minutes, c'est parfait, le problème, évidemment, de cette position intersectionnelle, c'est que, alors, dans le cadre états-unien, où il y a notamment de ces mouvements sociaux qui avaient construit comme marginalisé certaines positions, etc., la mise en visibilité était très importante dans le fait d'exister politiquement, de formuler des intérêts, etc. Dans le cadre européen, on est dans un contexte un petit peu différent, dans lequel, qui rappelle aussi le contexte colonial par ailleurs, dans lequel les positions. Intersectionnelles ont plutôt, c'est pas toutes les positions, en tout cas, notamment la question des femmes racisées, la question des femmes, comme l'a été la question des femmes colonisées, ont été plutôt mises en visibilité par les systèmes de pouvoir, que ce soit le système colonial, que ce soit aujourd'hui cette focalisation suspecte des. Politique d'intégration sur les femmes musulmanes, etc. Vous avez cette mise en visibilité, cette survisibilisation des catégories intersectionnalisées qui montrent bien, et pour reprendre aussi un terme qu'a utilisé ma collègue Sarah Mazoud, hein, qu'en fait la position intersectionnelle, c'est d'abord un mode d'assignation avant d'être un mode de résistance. Et donc, évidemment, vu qu'il y a une ambiguïté dans les théories de l'intersectionnalité, le fait, puisqu'elles sont à la fois mises en visibilité et critiques ou pas de cette position intersectionnelle, le fait de simplement pointer comme étant plus complexe et particulièrement problématique des positions que l'État, enfin le pouvoir, des termes qui sont insatisfaisants, construit déjà comme problématique et particulièrement et problématique et en partie alors pas sacré mais en tout cas comme un enjeu politique important, qu'il est construit déjà comme des minorités dans la minorité, qu'il est construit déjà comme des talons d'Achille des luttes anticoloniales, qu'il est construit déjà comme des preuves de la contradiction du groupe des subordonnés, tout un ensemble de mécanismes qui font que le fait de, en résistance à ces mécanismes d'assignation, de simplement affirmer la spécificité de ces groupes spécifiques, ça ne contribue pas à déconstruire l'idée que ce sont des groupes spécifiques et à déconstruire les mécanismes de pouvoir qui rendent leur position à la fois, alors ce qu'on disait symboliquement surdéterminé et sémantiquement à déterminer, parce que un des programmes qu'on propose, hein, c'est justement d'aller regarder, d'essayer de comprendre pourquoi dans ces systèmes de pouvoir, le fait d'être situé à cet endroit-là et d'être construite comme étant située à cet endroit-là, à cet endroit problématisé et problématique, colonisé mais femme, hein, donc minorité dans la minorité, contradiction interne, etc., ça fait qu'on est positionné de manière... c'est-à-dire qu'il y a... c'est presque une... vous avez tout un ensemble de groupes aux intérêts contradictoires qui ont intérêt à nous faire parler, à nous faire dire quelque chose, ou, sans nous demander forcément notre avis, à faire de notre existence le symbole de quelque chose, à donner un sens particulier. Donc c'est sur le plan... c'est pour ça qu'on parle de surdétermination symbolique, hein, c'est-à-dire qu'en gros, là, il y a le monde social qui construit des catégories intersectionnelles pour... parce qu'il y a tellement de gens qui veulent leur faire dire quelque chose... mais par définition, ces gens n'ont pas forcément, enfin, ces groupes, dont les catégories, dont les personnes elles-mêmes, hein, n'ont pas les mêmes intérêts. Et donc, on a à la fois une surdétermination symbolique. Il y a une fonction. Il y a une fonction attendue de cette, de ces catégories et éventuellement de leurs paroles, ou en tout cas des paroles à leur propos. Dans le monde social, mais le fait même qu'il y ait cette pluralisation, cet investissement pluriel et contradictoire fait que ils sont sémantiquement indéterminés. Alors j'imagine qu'on en reparlera, enfin typiquement le sens à donner à l'existence même de femmes portant le foulard ou éventuellement à leur parole, mais c'est deux choses différentes, hein, fait l'objet de lutte, d'appropriation, de réappropriation, de conflits de définition, d'hétérodéfinition, d'autodéfinition qui sont à la fois dont la pertinence est à la fois le produit de cette surdétermination symbolique, mais qui produit aussi cette indétermination sémantique. Alors, un autre exemple qu'on donne dans le papier, c'est les minorités sexuelles racisées, qui on peut, en gros, des LGBT racisés pouvaient, qui peuvent être mobilisés dans les 10-20 dernières années. Aussi bien pour prouver l'homophobie d'un groupe racisé que pour en prouver exactement le contraire, hein, parce que leur existence peut être le prouver exactement le contraire, ou de prouver le racisme intrinsèque de la communauté gay, ou de prouver exactement le contraire. Et il me reste une minute. Alors qu'est-ce que je vais dire ? Alors je vais dire ce que j'aurais voulu, bah tant pis pour la fin sur la politique, ça sera, vous regarderez dans le papier, parce que c'est à peu près ce que je vais quitter dans le papier. Je voulais dire quelque chose, mais ça tombe bien parce que c'est un slide qui n'était pas terminé, qui devait être terminé entre 14h et 15h. Alors, je voudrais dire le message quand même, parce que le message que, puisqu'on parle là on parle de religion, et puis il y a les travaux de Juliette qui travaillent beaucoup sur la question de la racialisation de la religion. Dans cette perspective de ne pas réifier les catégories dans l'analyse intersectionnelle, eh bien, mon message, ma proposition, y compris pour ce groupe, et puis qui essaie d'incorporer la question intersectionnelle, c'est non seulement évidemment l'intersectionnalité, ça n'existe que dans un contexte spécifique. Hein, j'ai tellement vu même des travaux d'étudiants qui parlent d'intersectionnalité pour parler des femmes musulmanes dans un pays musulman, enfin des absurdités. Non pas qu'on puisse pas sur un plan géopolitique essayer de reconstituer ça, mais je veux dire qui projette l'intersection sur les personnes et qui après oublie, enfin qui oublie à quoi sert l'intersectionnalité. Mais la question n'est pas juste du contexte, elle est aussi la question des principes de division. C'est-à-dire que la religion, ça ne veut pas dire la même chose dans différents contextes. En tout cas, être musulman, être chrétien, ça ne veut pas dire la même chose dans différents contextes. Il y a des contextes qui sont plus ou moins dans lesquels la distinction entre culture, entre religion et nationalité, ou entre religion et race, est actée. Il y a des contextes dans lesquels elle n'est pas actée. Même à l'intérieur d'un même pays, il y a des moments critiques dans lesquels on a un découplement ou un couple une fusion de ces notions. Alors pour les travaux de Juliette, hein, sur la question de le cas critique des convertis blancs à l'islam, est-ce qu'on a non, dans leur cas il y a des formes de racialisation et de déracialisation de l'islam, en gros la question, c'est est-ce qu'on change de race quand on... Enfin, est-ce qu'un blanc qui se convertit à l'islam devient moins blanc, donc à ce moment-là on est dans un une racialisation, mais c'est pas parce qu'à un moment donné, au sein d'une même société, vous avez un moment critique comme ça, ou un cas critique qui produit de la déracialisation, parce que pour l'essentiel, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la racialisation à d'autres moments. Et donc du coup, se poser la question de la place de la religion à l'intérieur d'une triade, d'une liste de catégories intersectionnelles, il faut surtout pas essentialiser ce que représente la catégorie religieuse, et au contraire, il faut vraiment coupler ces questionnements à une question à la question de la frontière, la construction des frontières, non pas entre musulmans, non musulmans, etc., mais entre religion et race, ou éventuellement ici entre race et nationalité, et toujours remonter au principe de division, c'est-à-dire que sortir des questionnements qui seraient du type est-ce qu'on est passé de la race à la culture, ou comme principe de division, comme principe d'altérisation, par exemple. Plutôt se demander, c'est race par rapport à quoi ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on est dans un contexte où on fait la distinction entre race et culture, ou est-ce qu'on ne fait pas la distinction entre race et culture ? Est-ce que, par exemple, je prends un exemple sur les débats, je dis pas qu'ils existent de cette manière-là, mais la racialisation de la société française. Genre, est-ce qu'on est racialisé ? Avant, on était tous... avant il n'y avait pas de race, maintenant il y a des races. On se demandait qu'est-ce qui a changé. Alors, plutôt que de se demander il n'y avait pas, il y avait bien sûr plein de principes de différenciation. J'essaie de le dire en conclusion de manière le plus provocatrice possible, mais le fait que tout à coup dans la nation il y a des races, qui peut paraître comme un processus de racialisation, on peut tout à fait le décrire comme un processus de déracialisation, c'est-à-dire que le fait que la nation devient n'est plus blanche, la nation n'est plus blanche, elle est déracialisée, et donc maintenant il y a des races à l'intérieur de la nation, et la racialisation, ce qui est appelé racialisation, est pour l'essentiel une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que l'État-nation est devenu un État-nation et non pas un État-race. Je donne un exemple comme ça pour montrer qu'il faut l'idée que il faut analyser relationnellement ce que signifie une catégorie. À l'intérieur d'un système de principes de division, et pas essentialiser non pas seulement la catégorie musulman par rapport à une autre catégorie religieuse, mais aussi la catégorie religion par rapport à d'autres principes de différenciation. Donc voilà, c'est remonter d'un étage pour penser ces rapports. Et donc c'est l'état de ces systèmes de différenciation, ça fait partie du contexte, comme fait partie du contexte le fait, enfin comme la vocation du contexte, mais l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de l'étudiante qui parlait de d'intersectionnalité de femmes musulmanes dans un pays musulman. Voilà. Merci.